Et il est 8h55, vous écoutez France Inter, François Morel, bonjour, c'est à vous. Merci Nicolas, aujourd'hui je reviens sur la principale information de ces dernières 48 heures, différents envoyés spéciaux, grands témoins, commentateurs divers seront avec moi en duplex pour analyser, pour tenter de comprendre ce qu'il faut bien appeler un véritable tremblement de terre médiatique sur la planète People. Je veux parler de l'article que vient de faire paraître la revue Gala sur son site. Je rappelle l'information, même si je me doute que vous en avez déjà pris connaissance, il n'y aurait pas eu d'histoire sentimentale entre la fameuse actrice Marlène Jobert et l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. En effet, Marlène Jobert et Valéry Giscard d'Estaing faisaient l'objet d'une rumeur persistante. Ils auraient eu une liaison en 1973. Marlène Jobert a toujours démenti, alors qu'avant-hier, elle fêtait son anniversaire. Un envoyé spécial dont nous tairons la situation géographique afin de ne pas déranger la tranquillité à laquelle la grande actrice a droit est en ce moment même au pied de sa résidence. Antoine ? Oui, en effet, je suis exactement au pied de la résidence de Marlène Jobert. C'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. L'actrice n'est pas apparue ce matin et je n'ai pas pu avoir confirmation de sa présence ou non dans ses lieux de vie, puisque le café-brasserie qui fait face à sa résidence est actuellement fermé à cause des mesures de confinement. Alors, quelle ambiance, Antoine ? J'ai pas regretté d'avoir mis un gilet parce qu'il fait pas si chaud. Merci Antoine. Évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir si l'actualité l'exige. Alors, coïncidence, cette affaire reparaît pile au moment où justement l'ancien président de la République sort son dernier roman, Loin du bruit du monde. J'ai la chance d'avoir au bout du fil le grand acteur Jacques Weber qui a accepté d'intervenir sur cette affaire et je l'en remercie très sincèrement. Vous avez d'une part, Jacques, dans une série de spectacles il y a quelques années au Théâtre de la Madeleine, interprété la figure de l'ancien président Giscard d'Estaing. Il se trouve que d'autre part, vous exercez la même profession que Marlène Jobert. Par ailleurs, vous avez également, comme elle, arrêté de fumer. Pour ces trois raisons, je pense qu'il était intéressant de solliciter votre sentiment. Jacques ? Oui. D'abord, je vous remercie. Mais d'abord, si vous le permettez, François, j'aimerais revenir sur un mot que vous avez prononcé. Oui. Alors, vous parliez de coïncidence. Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait, à proprement parler, de coïncidence. Le livre du président sort jour pour jour le lendemain de l'anniversaire de Marlène Jobert. Oui. D'ailleurs, c'est vous-même qui l'avez signalé il y a quelques instants. Oui. Et si c'est une coïncidence, bien, avouez que c'est une coïncidence qui fait sens, c'est une coïncidence qui interroge. Et bon, écoutez, je n'irai pas plus loin, enfin, je laisse à chaque auditeur dans le secret de son cœur et de sa raison, naturellement, le soin de réfléchir et de se faire une opinion par lui-même. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Je suis obligé de vous interrompre car nous sommes en liaison avec Monsieur Saladin, laitier retraité, qui, avec son camion, en 1974, aurait percuté la voiture du président de la République alors que celui-ci était en galante compagnie. Monsieur Saladin. Allô ? Ah oui ? Allô ? Monsieur Saladin. Je n'étais pas en galante compagnie, je vais vous raconter. Non. J'ai fait tout. Ma tournée, je la faisais ça. On n'aurait pas eu le droit. Pardon. Je parlais du président de la République. Oui. Quel président, Monsieur Macron? Monsieur Giscard d'Estaing. Ça me dit rien, c'est vieux, ça. Oui. En revanche, j'ai rencontré Monsieur Sarkozy. On l'a vu avec ma femme au centre culturel Leclerc. D'accord. Merci, Monsieur Saladin. Voilà pour l'instant ce que l'on pouvait dire de cette affaire concernant la liaison Giscard-Marlène Jobert. Nous n'hésiterons pas naturellement à bouleverser les programmes si l'actualité l'exigeait. Merci François Morel.